c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bienvenue au 89.1 FM et vous écoutez En piste avec Tania Baudin. Vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin et on est ensemble pour la prochaine heure. En piste avec Tania Baudin, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui sait, peut-être avons-nous de nouveaux fans. Bien, c'est une émission qui porte sur le monde de la course automobile, différentes voitures que l'on retrouve sur la route. De la musique de tout genre, en fait, on se mobilise un petit peu plus sur le country parce que, bon, c'est ce que j'aime. Et parfois, on va tout simplement retrouver des pièces qui ont fait la une dans des films de course automobile ou encore dans des jeux vidéo de course automobile. Donc, ça varie un petit peu de semaine en semaine. Mais c'est une émission que plusieurs gens aiment et je vous salue. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Donc, sans plus tarder, on va tout simplement commencer par la présentation de ce qui va se passer cette semaine, comme à chaque semaine. Je vais vous dérouler un petit peu qu'est-ce qui va se produire durant la prochaine heure, tout comme ça. Eh bien, on va faire le retour sur les courses qui ont eu lieu durant la dernière fin de semaine. Donc, la semaine dernière, on a eu une émission quasi porté simplement sur le Grand Prix du Canada. On avait discuté aussi à quelques reprises de la série NASCAR Canada. On avait eu une entrevue avec Andrew Ranger, mais malheureusement, on va en revenir. La course, elle a été annulée en fin de semaine. Donc, il y a vraiment simplement eu le Grand Prix du Canada à l'horaire pour plusieurs personnes ici au Québec. Il y en a eu aussi ailleurs aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde. Mais, comme je vous le dis, on va faire le retour sur ce qui s'est passé durant la fin de semaine. On va aussi avoir le tour du web parce que c'est comme quelque chose que j'apprécie de pouvoir quand même donner un petit peu d'exposure, disons-le comme ça, à nos chers amis chroniqueurs, journalistes québécois qui œuvrent dans le monde de la course automobile. Donc là, entre autres, je pense aux sites internet très populaires comme Flag World, Pole Position, motorsport.fr. Donc ce sont vraiment des gens que je connais personnellement, mais aussi c'est des références en termes de course automobile. Donc c'est un petit peu ce que l'on va faire. Puis j'ai comme décidé aussi d'en inclure à chaque semaine comme ça dans l'émission pour vraiment vous donner l'air de ce qui se passe sur les médias sociaux, puis sur le monde de la course automobile, sur Internet. Et bien souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'avec ces sites Internet-là, on va en apprendre davantage. C'est pas simplement des résultats ou encore des photos. Il y a vraiment beaucoup de reportages et tout ça. Donc, ça, comme je le disais, ça donne un petit peu d'exposure et j'aime bien le faire. Alors, laissez-moi le faire, c'est ça. on va aussi discuter avec le pilote de course, Olivier Bédard, qui lui était du côté du Grand Prix du Canada cette fin de semaine. Olivier, qui est un pilote assez multifonctionnel, on va en discuter un petit peu plus tard dans l'émission avec lui, mais il était du côté du Grand Prix du Canada pour la série Formule 1600. Alors, c'est une grosse émission, je vous dirais, qu'on va avoir durant la prochaine heure. J'espère que vous allez avoir du plaisir. Et comme je le disais en début d'émission, eh bien, il y a différents types musicaux à chaque semaine quasiment, mais on aime beaucoup le country ici. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le country et je me suis comme attribué la mission de vous faire découvrir certains bands country dans mon émission. Alors, aujourd'hui, précisément pour la semaine du 15 juin, eh bien, ce sera de la musique entièrement country dans l'émission. Ouais, je vous entends tous le faire, là, c'est super. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on commence l'émission. « Vous l'aurez deviné, c'est la même intro à chaque fois. Je suis en train de me demander que peut-être je devrais demander à mon co-animateur du mardi et de chaque jour de la semaine durant l'automne, Mathieu Plante, de m'aider peut-être à faire une nouvelle intro. Je ne sais pas si vous aimeriez ça. Ça, c'est une intro qui était là l'année dernière et j'écoutais différents types de musique cette semaine. Puis je me disais, mon Dieu, peut-être qu'en piste avec Tania Baudin, il y aurait peut-être besoin d'un petit refresh côté thème musical. Alors, si jamais vous aviez des idées et surtout si jamais ça vous tente qu'en piste avec Tania Baudin ait une nouvelle intro, bien faites-moi signe. Donnez-moi vos idées si jamais ça vous intéresse sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin. Ça fait toujours très plaisir en passant de vous voir soit aimer la page ou commenter les posts. Je sais que bien souvent, les posts vont être presque aux semaines et parfois la journée même de l'émission, mais sachez que j'aime beaucoup l'interaction que vous donnez sur la page Facebook. Alors, continuez comme ça, c'est toujours très, très plaisant de vous lire et surtout d'interagir avec vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par faire le retour sur le week-end, parce que oui, il y avait, mon Dieu, il y avait beaucoup de choses hein, dans le monde du sport automobile cette fin de semaine. C'est vraiment en faisant une émission concentrée sur un sujet quelconque qu'on se rend compte que lorsqu'on décide de couvrir plusieurs séries, que ce soit, là, je pense entre autres à n'importe quel sport, que ce soit le baseball, que ce soit le hockey, j'imagine que ce soit le tennis aussi, il y a tout le temps, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, pour une personne, couvrir tout ça... Ça fait de la job. Ça fait de la job, mais on aime ça. Alors, on va toujours continuer à le faire de cette façon-là. Et je vous le disais tout à l'heure, la semaine dernière, on a discuté avec Andrew Ranger, on a discuté de l'épreuve qui était censée avoir lieu samedi soir du côté de Vallée-Jonction, du côté de l'autodrome Chaudière. Malheureusement, tout de suite après l'émission, c'est vraiment tout de suite après l'entrevue avec Andrew Ranger, en fait, tout de suite après notre émission la semaine dernière, eh bien, on a eu un communiqué de la part de NASCAR Floride qui nous disait que malheureusement, la course n'aurait pas lieu samedi soir. Alors, sachez-le, pour ceux qui ont écouté l'émission en reprise dimanche et qui l'écoutent présentement, bien, c'est ça. Il n'y a pas eu de NASCAR Pinty's, malheureusement, du côté de Vallée-Jonction, mais sachez qu'elle n'est pas tout simplement annulée, elle est reportée. Alors, ça va se passer le soir de la Saint-Jean-Baptiste. soyez parmi nous du côté de Vallée-Jonction. Moi, j'y serai pour NASCAR on TSN. Donc, c'est vraiment une piste qui nous amène à être très, très, très festifs. C'est une petite piste, comme le disait Andrew, ça tourne dans les 14 à 15 secondes au tour, si on se souvient bien des temps de l'année dernière. Puis, ça se passe vraiment très, très rapidement. Mais c'est vraiment une ambiance hors du commun. Lorsqu'on pense à NASCAR, lorsqu'on pense à Stock Car, tu sais, les films là, de NASCAR, puis tout ça, c'est vraiment cette ambiance-là qui ressort de la piste de Vallée-Jonction. Alors, si jamais ça vous tente de vous taper un petit road trip du côté de Vallée-Jonction le 24 juin pour fêter la Saint-Jean-Baptiste, avec une soirée de course automobile, eh bien, faites-le, je vous le dis, vous allez en avoir pour votre argent parce que la série NASCAR Pinty's, lorsqu'elle débarque à quelque part, c'est vraiment tout le temps un spectacle, puis surtout à cet endroit-là, parce que, comme je le disais, c'est une petite piste, donc peut-être que ça augmente en quelque sorte les risques d'accrochage. Je dis ça comme ça, mais c'est sûr que de ce côté-là, ça va faire beaucoup bouger et ça le fait surtout beaucoup parler sur les médias sociaux. Je pense que je peux pas vraiment passer à côté. Il y a plusieurs amateurs de course automobile qui étaient un petit peu déçus du fait qu'on annule l'événement. Il y en a d'autres qui étaient déçus tout simplement que ça se produisait le même week-end que le Grand Prix du Canada, que la Formule 1 débarquait en ville. On s'entend, c'est une fois par année. C'est pas à toutes les fins de semaine que la Formule 1 débarque. Mais là, vraiment, cette année, on avait une espèce de conflit d'horaire pour les amateurs et vraiment, ça le fait beaucoup jaser sur Internet, sur les médias sociaux, puis tout ça. Il y a des gens qui étaient vraiment pas contents, mais il y en a qui disaient que peut-être que l'annulation de cette fin de semaine allait peut-être amener des pilotes autres qui n'étaient pas inscrits à la date permise, en quelque sorte, de vraiment s'inscrire pour le 24 juin. Donc, on se souvient, oui, il y avait eu le conflit d'horaire, mais il y avait eu aussi la grosse discussion sur le fait qu'il y avait simplement 14 pilotes qui étaient inscrits à l'événement. Donc, de ce côté-là, qu'on remette la date à une autre date, peut-être que ça va amener plusieurs autres pilotes. J'ai eu la chance de côtoyer certains de ceux qui n'étaient pas inscrits lors du Grand Prix du Canada. Je ne veux pas nommer personne, mais peut-être est-ce que nous allons voir d'autres visages. Ça se pourrait très bien parce que on sait que les pilotes et le monde de la course automobile, bien souvent, ça va voyager et ça a plusieurs engagements dans différentes séries. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'on ne va pas voir d'autres visages? On l'espère, parce que comme je vous le disais, de toute façon, ça devrait être un très beau spectacle. Alors, pour ce qui est de l'événement NASCAR, eh bien oui, ça a été annulé, mais je vous le redis, c'est remis le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, du côté de Vallée-Jonction à l'autodrome Chaudière. On vient de le dire, c'était un conflit d'intérêts entre NASCAR et la Formule 1, mais c'était surtout le Grand Prix du Canada du côté de l'île Notre-Dame. Il me semble que c'est ça. Ouais, l'île Notre-Dame de Montréal. Alors, il y avait vraiment plusieurs séries au calendrier. Il y avait bien évidemment la Formule 1, il y avait le Ferrari Challenge, la Porsche GT3 Cup Canada et USA qui se présentaient sur le terrain canadien. Et il y avait aussi la Formule 1600. Donc, plusieurs séries. Donc, ça fait vraiment beaucoup de gens à aller voir, à demander comment est-ce que c'est passé ta séance de qualification, ta séance de course et tout ça. On a été occupés vraiment durant tout le week-end. Ne vous inquiétez pas, on a couvert l'événement du mieux qu'on pouvait. On a surtout gelé. Ça, ça avait aucun bon sens. Il faisait extrêmement froid. Moi, j'ai vu des Français de France avec leur manteau d'hiver, leur tuque sur la tête. On s'entend qu'un 14 degrés avec soleil, pas de vent, c'est quelque chose, c'est agréable au Québec. Tu sais, ça se prend quand même bien. On s'entend, je pense que quand il commence à faire 12, les Québécois, on n'a plus de manteau d'hiver. Déjà, on se promène en Bermuda puis en gougoune dans la rue. Mais là, quand il fait pas super beau, il vente vraiment beaucoup, c'est gris, c'était très, très, très humide. Écoutez, je pense que l'entièreté des gens qui étaient là ont gelé durant la fin de semaine. Je pense qu'on a tous la grippe et le rhume présentement. On est un petit peu pris comme Mathieu Plante l'était hier. On va probablement faire des arrêts un petit peu plus fréquents dans l'émission pour pouvoir se moucher aujourd'hui. Mais sachez que c'était vraiment un événement à la hauteur des espérances. Et ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs gens qui disent « Ah, la Formule 1, ça a plus sa place à Montréal. C'est plus ce que c'était. C'est difficile aller à la Formule 1 à Montréal. » Et pourtant, selon plusieurs sondages sur Internet cette année, sachez que la course qui est le plus aimée en Formule 1 est celle de Montréal. Je dis ça comme ça, on dirait que les gens savent pas toujours ce qu'ils veulent. On dirait que les gens, on se demande souvent, en fait, si on aime quelque chose, si on est toujours satisfait. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, on veut toujours évoluer de plus en plus, là. Mais il faut savoir que les gens qui sont sur place, les gens qui ont des billets, aiment toujours beaucoup le spectacle que donne la Formule 1 du côté de Montréal. Et cette année aussi, ça l'a pas manqué à l'appel, là. Vraiment, on a eu un très beau spectacle de ce côté-là. Je vais en discuter dans quelques instants après avoir parlé des autres séries, mais c'était vraiment, comme je le disais, à la hauteur des espérances de plusieurs malgré la météo. Et j'espère que les rénovations qui doivent être faites au contrat entre la personne qui s'occupe de l'événement et la Formule 1 va être faites dans les temps pour que l'on puisse revoir la Formule 1 et ne pas avoir malheureusement un bris de contrat entre la FIA et tout simplement l'île Notre-Dame de Montréal. Parce que ça serait assez, ça serait plate, tout simplement, disons-le, ça serait vraiment plate de perdre un événement comme la Formule 1, que ce soit, tu sais, on parle même pas de retombées économiques, là. Laissons les retombées économiques de côté quelques instants, on parle vraiment du spectacle, puis des amateurs de course automobile. Si on enlève le Grand Prix du Canada, déjà en partant, on n'a plus de Formule 1 au Canada. On se ramasse simplement avec un Grand Prix du côté du Texas aux États-Unis. Oui, il y a plusieurs Canadiens qui, j'imagine, prendraient un billet et se rendraient du côté du Texas, mais ça enlèverait cette espèce de folie-là, justement, de la Formule 1 quand elle débarque sur l'île Notre-Dame. Et on s'entend, il y a des pilotes qui ont eu leur première victoire de Grand Prix à vie en Formule 1 avec cet événement-là. Donc, on espère. Sérieusement, on se croise les doigts. En tout cas, moi, je me croise les doigts pour que ça continue de venir à Montréal parce que c'est toujours un événement qui est très, très le fun. Je pense que je vais au Grand Prix de Montréal depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je pense que j'ai manqué simplement 2-3 événements. C'est vraiment quelque chose à voir si on est amateur de course automobile, évidemment. Pas non seulement pour la Formule 1, mais pour toutes les autres séries de soutien, justement, parce que bien souvent, c'est dans ces séries de soutien-là que l'on va voir les pilotes québécois, les pilotes canadiens démontrer leur talent. Et bien souvent, ça fait beaucoup jaser sur les médias sociaux aussi. Donc, on va commencer tout simplement par la Ferrari Challenge qui était là. On parlait la semaine dernière qu'il y avait quand même quelques Québécois qui allaient se disputer certains podiums. Et Patrice Brisebois, il a remporté son défi. Il a remonté sur le podium encore une fois cette année, en deuxième position pour le Ferrari Challenge. Du côté de la série Porsche GT3 Cup Canada, je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment une amalgame de la série canadienne et de la série américaine. Donc, on a vraiment amené les Porsche et les pilotes canadiens avec les pilotes américains et les bolides américains. Et c'est vraiment, ça a donné une grille. Si je me souviens bien du nombre, ils étaient au-dessus de 36 Porsche en piste durant la fin de semaine. C'était vraiment beau à voir là, pour les gens qui aiment les voitures de course, qui aiment les Porsche. C'est toujours une belle voiture, mais là, de les voir se battre en piste comme ça, c'était quelque chose. Il y en a certains qui ont eu des bris, malheureusement. C'est le monde de la course automobile. Hein. Ça se touche, ça fait des accrochages. Et entre autres, un des accrochages qui a beaucoup fait parler, c'est celui entre Daniel Murad et Zach Robichon, un Canadien et un... On pourrait dire quasiment semi-québécois. Zach, il a vécu très, très longtemps ici au Québec et il vit en Ontario présentement. Il y a un accrochage qui a vraiment fait beaucoup parler sur les médias sociaux parce qu'on demande tout simplement, est-ce que c'est vraiment la faute de quelqu'un? Est-ce que ça serait pas tout simplement parce que la piste était trop froide? Allez faire un tour, sérieusement, sur Facebook. C'est sûr que vous allez trouver ce fameux vidéo-là où qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé et on voit surtout la discussion qui en découle. On se demande, est-ce que vraiment Daniel Murad aurait fermé la porte sur Zach Robichon? Est-ce que Zach Robichon avait assez d'espace pour pouvoir faire le move qu'il voulait faire? Ça s'est passé dans l'épine de Montréal, là où il y a vraiment plusieurs accrochages durant la fin de semaine. Mais on doit le dire, c'était vraiment tout un spectacle. Il y a Valérie Chiasson aussi qui a très bien performé dans sa catégorie. Ça l'a terminé sixième. On le répète encore une fois parce que c'est vraiment un exploit. C'est la représentante FIA femme au Canada maintenant. C'est un excellent titre et jusqu'à maintenant, elle se défend très bien pour ce titre-là. Moi, je lui lève mon chapeau pour ce qu'elle a accompli durant la fin de semaine parce qu'au travers de justement 34 à 37 voitures, si je me souviens bien, c'est quelque chose. De rester en piste, de rester là et vraiment de performer, c'est A1. Félicitations, Valérie. On va essayer d'avoir Valérie en entrevue durant la saison. Ça, c'est sûr et certain, je vous le promets. C'est une fille très, très occupée. Elle est un petit peu journaliste aussi, quelquefois reporter pour Pole Position. Donc là, en ce moment, je crois qu'elle est en train de se préparer pour aller couvrir le 24 heures du Mans de cette fin de semaine en France. Donc vraiment, c'est un petit peu compliqué, mais je vous jure, on va avoir une discussion avec Valérie Chiasson d'ici la fin de la saison. Je vous parlais de la Porsche GT3 Cup Canada et Porsche GT3 Cup USA. Il y a des Québécois et des Canadiens qui ont vraiment très bien performé durant la fin de semaine. Je pense entre autres à Chris Green qui a fait 2 podiums. Jesse Lazar qui est un Montréalais qui a monté sur la première marche du podium à 2 reprises durant le week-end. Daniel Murad qui est monté une fois sur le podium cette fin de semaine. Marco Cerrone qui lui aussi a monté sur le podium. Scott Hargrove. Tout ce que j'ai à dire sur le pilotage de Scott Hargrove cette fin de semaine, c'est wow! Wow! On parle ici de départ de course vraiment parfait. On a réussi à se sauver du reste du peloton assez rapidement. Ça l'a donné tout un spectacle, non seulement parce que lui était vraiment très, très loin à l'avant, mais pour tous les autres derrière qui essayaient tout simplement de le rejoindre, c'était Parfait. Et comme je le disais, bien, il y avait aussi la Formule 1600 du côté de l'île Notre-Dame en fin de semaine. Plusieurs pilotes que l'on voit en temps normal en karting, on le sait aussi, c'est un petit peu la porte d'entrée du monde de la course automobile lorsqu'on termine le karting. Bien souvent, les pilotes vont s'en aller en Formule 1600. Donc, de ce côté-là, on avait vraiment plusieurs pilotes. Je pense entre autres à Dominique Legrand qui, lui aussi, a super bien performé. Le champion canadien en Nissan Micra 2015, Olivier Bédard, était là. On va l'avoir en entrevue un petit peu plus tard. Il y avait Gianfranco Mazzaferro qui faisait ses premiers pas lors du week-end de la Formule 1, qui lui aussi a très bien performé pour sa première fois sur l'île Notre-Dame en Formule 1600. On dit aussi dans les alentours d'une trentaine de voitures sur la piste et on s'entend, on a réussi à se qualifier quatrième, terminé cinquième durant la fin de semaine. Donc vraiment de ce côté-là, c'est remarquable. Disons-le comme ça, c'est vraiment... beaucoup, beaucoup de talents étaient en piste cette fin de semaine et je pense que si jamais ça vous intéresse, bien, vous pouvez tout simplement faire le tour de certains sites internet québécois qui justement se qualifient, non, je veux pas vraiment dire se qualifient, mais vraiment font fureur du côté de leur couvrance d'un événement. Là, je pense en anglais en même temps que je parle en français, ça fonctionne pas. Mais vraiment, lorsqu'on parle de reportage, voilà, si jamais ça vous intéresse de voir des photos de l'événement, je pense qu'on a un excellent talent de photographe de course automobile ici au Québec. Donc vraiment, faites le tour des sites internet, que ce soit Flag World, Pole Position, je parlais tout à l'heure de FR Motorsport aussi. Faites le tour parce que les photos sont incroyables, vous allez voir. Et au retour de la pause musicale, sachez-le, on va parler avec Olivier Bédard qui, lui, était du côté du Grand Prix du Canada cette fin de semaine. Alors, sans plus attendre, on va aller écouter notre première chanson, oui, disons-le, chanson country de l'émission aujourd'hui. C'est High Valley avec Come On Down et on se revoit tout de suite après. Been a while since you've been around. Won't you come on down? Just come on down. You don't need no invitation, day or night. We're right here waiting. Just drive out until the pavement ends. Sign says population 2817. One stop light in a Dairy Queen. Sawmills, farms, refineries. Yeah, that looks like home to me. If you still believe in faith and family, you'll find them in this little old town. Come on. Come on down. If something happens to your neighbor, or the church has a fundraiser, it's the front page of the paper. It's just a seven-pager. Every house has a good bookin'. Kitchens all smell like home cooking. If a tractor's what you're looking for, you'll find one here for sure. Everyone's a fan of, yes, so thank you, ma'am. Way out here in this little. Just come on down to the vous êtes assez fin pour l'écouter. 89.1. Vous êtes de retour en piste avec Tania Beaudin. Évidemment, avec Tania Beaudin, on est ensemble jusqu'à 15h. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on part en publicité ou qu'on part en pièce musicale, j'oublie toujours de prendre une gorgée d'eau. Donc, si vous me le permettez, je vais prendre une gorgée d'eau, sinon je ne vais pas me rendre à 15h. Voilà, c'est fait. Pas plus long que ça. J'ai au bout du fil avec moi Olivier Bédard. Je vous le disais tout à l'heure, il est au téléphone avec nous. On va discuter avec Olivier de la saison 2016 qui a débuté il y a quelques instants. Quelques temps maintenant. Olivier, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Olivier, tu étais du côté du Grand Prix du Canada en fin de semaine. Tu as vraiment très bien performé. Dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé de ton côté ta fin de semaine? Ça a été une très belle fin de semaine. On a eu deux podiums, deux troisièmes positions. Ça a été des belles courses, vraiment beaucoup de dépassements, beaucoup d'actions, vraiment beaucoup de plaisir. Et tu coursais en Formule 1600. C'était comme la première fois que tu retournais en Formule 1600 depuis l'année dernière. Dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé de ce côté-là? Parce que bien évidemment, ça faisait quelques temps là, que tu n'avais pas coursé en 1600. Est-ce que tu avais pris du temps pour te pratiquer avant? Comment est-ce que ça s'était passé? Ben, en fait, ça faisait exactement un an que je n'avais pas roulé en Formule 1600. La dernière fois, c'était au Grand Prix justement du Canada. On a eu l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle un shakedown. Donc, on fait quelques tours avec la voiture sur un autre circuit pour s'assurer que tout est correct, pour s'assurer que le banc est confortable. Ça s'est passé au circuit Icarte 2 jours avant l'événement. Fait qu'à peu près une dizaine de tours de piste, ça a été assez pour pouvoir me remettre dedans. Puis je dirais que la première qualification, ben en fait, la seule qualification, parce qu'au Grand Prix, on n'a pas beaucoup de temps de piste. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est ça. Dans le fond, on avait juste une qualif avant les deux courses. Pas d'essai. Donc, ça a été... j'avais encore quelques réflexes de la conduite de la Coupe Nissan Micra, mais après la qualif, j'ai eu un bon debriefing avec mon ingénieur de piste, puis pour la course, dans le fond, c'était réglé. Tous les vieux réflexes étaient revenus de la Formule 500, puis j'étais à fond. Bien, justement, ces fameux réflexes-là, dis-moi, est-ce que c'est vraiment très différent? Parce qu'on s'entend, on passe d'une voiture assez routière à une voiture qui a quasiment une conduite de karting, c'est bien ça? C'est exact. Dans le fond, je vais vous le dire, le problème d'adaptation que j'avais, que mon ingénieur m'a fait voir, c'était au niveau des freinages. OK. La Coupe Nissan Micra a beaucoup de transfert de poids, donc on peut pas être très agressif sur les freins dès le moment de freiner. Faut placer la voiture, faut peser un peu sur la pédale et être progressif. De vrai, on peut peser vraiment fort une fois que tout le poids est en avant. Avec la Formule 500, t'as pas besoin de faire ça parce que la suspension, il n'y a pas beaucoup de transfert de poids. Donc, on peut être vraiment agressif sur les freins. Et puis, dans le fond, moi, j'y allais plus progressif, essayer de placer l'auto. Ça faisait en sorte que mes distances de freinage n'étaient pas optimales. Donc, ça, c'est une des grosses choses. L'autre chose aussi, c'est la différence entre propulsion et traction. La Formule 500, ses propulsions, donc la puissance vient des roues en arrière. Oui, exactement. Puis, ça fait en sorte que la voiture est vraiment différente à conduire en sortie de virage. Dis-moi, du côté aussi météo, je le disais un petit peu plus tôt, là, ça n'a pas été la super belle fin de semaine que tout le monde espérait. Est-ce que du côté météo, ça a été un petit peu plus difficile pour la conduite, selon toi? Non, ben on était chanceux. Okay. Parce que surtout le dimanche, il annonçait de la pluie. Mm-hmm. Finalement, on l'a échappé vraiment. Il a commencé à mouiller comme on avait fini la course. Ça, pour ça, on était chanceux. Mais par exemple, il faisait extrêmement froid. Puis en plus, avant les courses, on n'a pas de tour de chauffe comme en F1. C'est directement en arrière du safety car à des vitesses vraiment lentes. Donc, c'est au pilote de bien préparer sa voiture en réchauffant les freins, les pneus. Mais un coup que ça s'est bien fait, après ça, on part en course. Puis c'est sûr que c'est un peu plus glissant, mais c'était égal pour tout le monde. Donc, ça faisait des courses intéressantes. Dis-moi, quand que tu es arrivé là-bas au Grand Prix du Canada, comme tu le disais, ça faisait un an que tu n'avais pas mis les pieds dans une Formule 1600. C'était quoi tes attentes, toi, face à la fin de semaine? Ben, c'est sûr, le but, c'était de gagner. Vraiment, c'était ça l'objectif. Pour la qualification, j'avais pas eu un bon trafic. J'avais été bloqué sur plusieurs de mes tours. Puis les partenaires avec qui j'étais en piste, je savais que c'était difficile de faire des bons chronos. Mais le but, c'est dans le fond d'être dans le top 5, à peu près top 5, top 8, pour avoir une bonne position de départ pour la course. Et puis, on s'est qualifié en cinquième position. Donc, c'était parfait. C'était objectif accompli. Puis, dans le fond, les qualifs, c'était non seulement de se rappeler le circuit et la voiture, mais c'était aussi juste de sécuriser une bonne position de départ pour la première course. Et Olivier, pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, dis-moi, c'est quoi vraiment le feeling de se retrouver sur le podium pendant le Grand Prix du Canada? C'est vraiment incroyable. Dans le fond, c'est aussi simple que quand tu regardes à la télé, tu vois tes idoles, tu vois tous les pilotes de F1, et puis là, ben, tu te retrouves sur le même podium qu'eux, à vivre les mêmes sensations, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose, c'est une des raisons aussi pourquoi on voulait tant faire le Grand Prix du Canada. C'est toutes ces petites choses-là font que c'est vraiment spécial. Bien, est-ce que cette course-là pourrait t'amener peut-être à faire d'autres événements en Formule 1600 cette saison, ou c'était vraiment le but de simplement faire le Grand Prix du Canada en 1600? Ben, c'est sûr qu'on travaille pour faire d'autres événements, ça c'est sûr. Là, on est dans la ligne de mire, le Grand Prix Trois-Rivières, qui est aussi un événement vraiment spécial, vraiment incroyable, vraiment. C'est aussi spécial, sinon plus que le Grand Prix du Canada, je le dis tout le temps, parce que les fans sont vraiment plus proches de l'action qu'au Grand Prix du Canada. Puis en même temps, ils sont plus intéressés, ils sont plus passionnés aussi. Fait que c'est vraiment, c'est différent, mais c'est tout aussi spécial. Puis c'est sûr qu'on travaille là-dessus pour y être en Formule 500 et en Coupe Nissan Micra. Mais du côté de Trois-Rivières, c'est est-ce que ça fait un petit peu peur? T'sais, les murs sont peut-être un peu plus proches qu'au Grand Prix du Canada? Oui et non. C'est sûr qu'au Grand Prix du Canada, la piste est plus large. Mais c'est quelque chose qu'on prend l'habitude. Ça va être ma quatrième fois au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, je commence à être habitué. Je les ai familiarisés, les murs. Et de ce côté-là, ça te ferait courser en deux séries différentes du côté du Grand Prix, c'est bien ça? Exact. Dis-moi, du côté de la Nissan Micra, comment est-ce que ça se passe cette saison pour toi? On a eu un début de saison assez difficile en Coupe Nissan Micra, je dirais, avec un gros accident, avec aussi une erreur technique de l'équipe qui a fait en sorte que j'ai pas marqué beaucoup de points en début de saison. Heureusement, le nouveau championnat fait en sorte que, à je veux dire, le nouveau système de points du championnat fait en sorte que ça ne pénalise pas. Okay. Parce que, dans le fond, il y a 4 courses sur 16 qui comptent pas au championnat. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme joker. Okay. Qui, dans le fond, nous permet justement d'éliminer nos 4 pires résultats de la saison. Donc, moi, ça me sauve mon début de saison. Mon début de saison a vraiment été la deuxième course à Tremblant, qui se donne dans le fond à être la quatrième course, puisque j'ai pu finir deuxième. Là, notre début de saison a commencé là, on peut le dire. Notre malchance est derrière nous. Puis en fin de semaine, on va avoir Saint-Eustache, puis on vise les 2 victoires. Et dis-moi, c'est quoi tes espérances pour 2016? Parce que tu le disais justement, maintenant tu peux utiliser tes jokers. Est-ce que ça va d'y aller une deuxième fois pour le championnat? Ah, ça, c'est sûr. Dès le début de saison, c'était l'objectif de gagner un deuxième championnat. Puis, on travaille là-dessus. Toute l'équipe d'Albi est vraiment focussée là-dessus. Là, autant on travaille les 3 pilotes ensemble en piste pour avoir le plus de points, le plus de victoires, parce qu'on a aussi le championnat équipe ensemble qu'on essaie d'avoir. Donc, tous les membres de l'équipe sont vraiment focussés sur ça. Et dis-moi, justement, Albi et toi, vous êtes quand même très impliqués du côté du karting. On vous a vu, d'ailleurs, vous avez donné la chance à 3 pilotes de karting de prendre part à un événement durant la saison. Dis-moi, pourquoi cette implication-là est importante pour toi? Bien, je dirais que c'est vraiment le fait que la transition entre le karting et la course automobile, c'est pas toujours facile. Je l'ai vécu récemment, il y a quelques années. Donc, c'était de donner l'opportunité justement à ce pilote-là de pouvoir faire le saut, mettre au moins un pied dans la course automobile, dans le circuit routier, pour pouvoir eux aussi faire une carrière. Et dis-moi, on te voit quand même à certains événements de karting, là, t'es pas complètement parti de ce monde-là. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu courses encore? Est-ce que tu coaches? Comment ça se passe? Non, ben mon travail, c'est de coacher des pilotes en karting encore. C'est sûr, la karting, c'est un monde qu'on peut pas se séparer. C'est vraiment c'est là que j'ai commencé. Et puis je suis content de pouvoir travailler avec l'équipe PSL avec des pilotes pour les développer puis amener des bons résultats à l'équipe. Bien, justement, j'aimerais avoir ton impression ou plutôt ton opinion sur comment est-ce que va le monde du karting au Canada présentement? C'est en train de changer. Disons-le comme ça. Il y a eu des changements il y a quelques années qui ont fait que là, en ce moment, ils sont obligés de changer encore. Mais c'est sûr que les changements qu'ils sont en train de faire, c'était pour le mieux, je crois. Puis on va voir dans quelques années qu'est-ce que ça donne. Eh bien, Olivier, on te souhaite la meilleure des chances, premièrement, pour cette fin de semaine, mais aussi pour le restant de ton championnat 2016 en Micra. Et on va continuer à te suivre pour voir si tu vas rouler en 1600 à quelques endroits différents durant la saison. Ouais, merci beaucoup, Tania. Merci, Olivier. Passe une bonne fin de journée. Toi aussi. Alors, comme le disait Olivier, le karting est en train de faire un saut qui est assez... Je pense que c'est pas... demander, mais c'est... Comment pourrais-je dire? Ça doit être là. Ce fameux saut-là, cette fameuse restructuration du monde du karting doit être là. Et je pense que présentement, on s'en sort quand même assez bien du côté du karting au Québec. À quelques reprises, on entend surtout qu'il y a plusieurs différents championnats. Et c'est ce qui amène un petit peu le karting à avoir différents niveaux ici. Je discutais avec un de mes amis journalistes de Canadian Karting News, Cody Schindel, la semaine dernière, si je me souviens bien. Et on discutait justement de ces fameux plateaux de différence-là au karting, que ce soit ici au Québec ou en Ontario. En Ontario, ils n'ont pas nécessairement différents championnats comme nous, on a ici. Alors peut-être est-ce que cette restructuration-là québécoise amènerait peut-être des améliorations aussi au restant du Canada. Entre autres, quand je parle de restructuration de plateaux ou quoi que ce soit et de championnats, je pense surtout à l'APKLQ qui est vraiment une association de loisirs. Donc c'est vraiment la base. C'est d'y aller vraiment pour le plaisir. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler les fameux arrive and drive en Ontario. C'est vraiment, tu arrives là-bas, tu t'amuses. C'est une course, bien évidemment. On veut faire le mieux qu'on peut. Mais c'est sûr que de ce côté-là, c'est vraiment pour les gens qui débutent, les gens qui commencent à faire... place au monde du sport automobile dans leur vie. Et par la suite, on a les échelons qui demandent un petit peu plus de comment je pourrais dire, de compétition à ce niveau-là, que ce soit en micro. Là, moi, faut que je le dise encore et encore, les pilotes en micro qui commencent, qui sont âgés entre 7 et 11 ans, si je me souviens bien, eux sont téméraires. Sont tellement téméraires. C'est eux souvent qui vont donner le meilleur spectacle parce que justement, ils ont peur de rien et c'est là que c'est très, très, très intéressant à voir. Et je vous dirais tout simplement de suivre certains événements ou certains reportages si jamais ça vous intéresse. Bien souvent, durant l'hiver, si jamais vous avez l'occasion de vous asseoir devant votre ordinateur et d'aller faire un tour sur le floridawintertour.com, c'est vraiment un événement de compétition. Là, je vous avertis, c'est vraiment de la compétition, mais on a des catégories vraiment que ce soit micro, junior, Rotax ou encore des pilotes qui sont habitués de le faire depuis X années, comme exemple DD2. C'est vraiment quelque chose à regarder. Ils ont du vidéo toute la fin de semaine. Donc, vous pouvez vraiment regarder les courses en ligne. Et je vous invite à le faire tout simplement si c'est quelque chose qui vous intéresse de regarder cette fameuse compétition-là. Parce que vous allez voir que le karting de compétition n'est peut-être pas nécessairement le petit go-kart qu'on voit entouré de rubber pour pas se faire mal lorsqu'on va à la piste du coin de la rue de chez nous. Alors, une petite pause musicale. On va aller écouter Parmalee avec Close Your Eyes et au retour, on va discuter de ce qui se passe sur le web. Well, take a look at what's left in that sunset. Fireflies popping like the 4th of July, yeah. You're gonna wanna see every single thing I'm gonna show you tonight. Got the perfect scene set of a moonlight glowing. Just keep them baby blues wide open. Girl, take a look around. Yeah, it's going down. nights are getting hotter. We got this bed backed up to the water. Yeah, it's the place to be if you wanna see every little shining star. But that view ain't nothing like the you I'm looking at. 210 legs for days dangling off the back. It all looks better, baby. You can see forever when you're here in my arms. Hey, baby, pull the night is getting older. Lean your pretty self over here a little closer. I need to hold you. I wanna show you what you don't wanna miss. No. Your Eyes de Parmalee, un groupe que je ne connaissais absolument pas, alors je dois remercier Alexandre qui m'a fait découvrir du Parmalee. C'est vraiment très très bon, merci beaucoup. On discutait de ce qu'on allait voir sur le web, tout simplement. On va faire le tour du web ensemble. Comme je vous discutais tout à l'heure, il y a vraiment des sites internet qui sont la référence de ce qui se passe dans le monde de la course automobile, que ce soit au Québec, au Canada ou encore aux États-Unis. Il y a vraiment des sites internet qui sont spécialisés comme ça et j'ai tout simplement décidé d'en faire le tour avant l'émission et de vous présenter qu'est-ce qui fait un petit peu la une justement sur ces sites internet-là. Alors en premier lieu, j'ai fait le tour de motorsport.com et je suis tombée bien évidemment sur la section France, la section Québec et Canada et je suis tombée sur un article vraiment très intéressant qui parle du marketing et de la décoration des voitures dans la série Sprint Cup, donc NASCAR Sprint Cup. On parle ici surtout de la différence des voitures, mais des pilotes qui restent les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment, parfois, à plusieurs reprises dans une saison, on va voir une voiture complètement différente d'un événement à l'autre. Qu'est-ce qui amène ça exactement? Eh bien, si vous lisez l'article au grand complet, vous allez très bien le voir. C'est tout simplement le fait qu'on essaie d'avoir le meilleur exposure possible pour chaque commanditaire. Donc, vraiment, on a décidé depuis quelques années de tout simplement restrapper la voiture au grand complet. Là, je sais même pas si ça se dit, ça, restrapper. Comment je pourrais dire ça? On a décidé tout simplement de vraiment redonner une allure, disons ça comme ça, à la voiture à certains événements. Donc, pendant exemple X événements, 3 courses par exemple, on va avoir une voiture d'une certaine façon. Par la suite, pour 3 autres événements, on va avoir refait la déco de la voiture, on va avoir changé les logos de place, on va avoir changé la voiture de couleur et c'est tout simplement vraiment pour pouvoir donner cette chance-là à chaque gros commanditaire de pouvoir se faire voir à sa pleine capacité. Parce qu'on s'entend que le budget d'une opération d'une voiture de Sprint Cup, c'est dit dans l'article, une voiture de Sprint Cup, c'est quand même du très haut niveau et c'est vraiment très élevé, mais on parle quand même d'un montant entre 15 et 20 millions de dollars pour une saison de course. Donc, on s'entend que les commanditaires, oui, c'est bien beau de se dire « ça ne me dérange pas d'avoir mon logo sur ta voiture », Mais quand on a l'occasion de lui donner vraiment une très, très grande exposure comme ça, de lui donner la voiture au grand complet pour, exemple, comme je le disais, trois événements de suite, ça donne vraiment une meilleure capacité de commandite et ça donne vraiment surtout une meilleure retombée face au renouvellement par la suite. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment pour ça qu'on commence à voir quelques voitures changer de couleur, changer de logo sur les côtés à chaque, comme je dis, là, chaque trois ou cinq événements. Et c'est vraiment très, très différent. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on le sait, le marketing, les commanditaires en course automobile, c'est assez difficile de pouvoir dire à chacun de ces commanditaires, ben oui, vous allez tous avoir le même exposure. C'est vraiment très, très difficile. C'est sûr que dans une catégorie comme exemple la NASCAR Sprint Cup dans l'article, c'est un petit peu plus faisable parce que, comme je viens de vous le dire, ça a un budget entre 15 et 20 millions par saison, mais c'est vraiment ça qui va amener la possibilité du renouvellement par la suite. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être certaines séries à plus petit budget devraient peut-être commencer à regarder. Cette fameuse formule-là de changer la face du véhicule à chaque événement, ça donne vraiment une belle façon de faire. Puis aussi, surtout pendant la saison, mais ça donne aux pilotes, tout simplement la chance de se sentir comme dans une nouvelle voiture en sachant très bien que c'est la même, mais l'allure change. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, bien, on a une nouvelle voiture après quelques événements. Du côté de Auto Hebdo, c'est pas un site que je parle vraiment très, très souvent. Par contre, je suis tombée sur un article que plusieurs de mes amis amateurs de course automobile étaient en train de partager sur les médias sociaux. Je suis tombée sur l'article qui parle des top 5 des technologies de la Formule 1 qu'on retrouve dans les voitures de rue. Donc, les voitures routières, ces véhicules routiers-là qu'on voit sur la route bien souvent, bien, sachez que plusieurs des technologies sont vraiment arrivées par la Formule 1. Donc, je vais vous en nommer quelques-unes. Ici, on parle de la suspension active parce qu'à l'origine, le type de suspension a vraiment été conçu pour améliorer la tenue de route sur une piste avec les Formule 1. Donc, aujourd'hui, la suspension active ou réglable sert vraiment autant pour la conduite sportive que pour rendre le roulement d'une voiture normale plus confortable. Donc, dans plusieurs cas, la suspension est ajustable au goût du pilote ou ici, la personne qui va conduire son enfant à la garderie le lundi matin. Tout simplement. Comme exemple, on peut le voir dans la Porsche 911 Carrera S 2010. C'est vraiment une suspension qui a été apportée par le monde de la Formule 1. Puis là aussi, cet article-là est vraiment très bon parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, la Formule 1, ça sert absolument à rien. C'est vraiment un sport qui pollue. » Puis tout ça, eh bien, sachez que la Formule 1 aide vraiment à vos véhicules, vous, à une amélioration que vous allez pouvoir voir sur la route. Donc, bien évidemment, il y a l'aérodynamisme aussi qui est un aspect qu'on voit en Formule 1, mais qu'on voit une amélioration sur les voitures, les véhicules routiers ici au Québec ou un petit peu partout. Donc, l'aspect, ça joue vraiment un rôle vraiment important dans le comportement de l'ensemble d'une voiture, que ce soit une voiture de course, mais aussi une voiture de route, voilà. Alors, l'aérodynamisme, ça sert autant à limiter sa traînée dans l'air ambiante à vitesse élevée à l'aide d'un bas coefficient. Là, ça, c'est du chinois pour certaines personnes, mais ça aide aussi à augmenter l'appui de la voiture en courbe. Donc, finalement, ce que ça dit, c'est que ça aide à améliorer le poids à certains endroits lorsqu'on essaie tout simplement de faire un virage ou quoi que ce soit avec la conduite. Et un bas coefficient de traînée, ça améliore l'efficacité énergétique. Donc, notre moteur va beaucoup moins forcer de ce côté-là et c'est vraiment quelque chose qui est venu par la Formule 1. Il y a aussi la transmission ou la boîte séquentielle. Donc, il y a des boîtes de vitesse qui sont devenues la norme dans les voitures de haute performance. Je pense ici, entre autres, à la Ferrari, la Lamborghini, ce genre de véhicules-là, les véhicules qu'on appelle exotiques parfois. Eh bien, la raison est vraiment simple, c'est que ce sont des transmissions extrêmement efficaces. Donc, les changements de rapport se font à partir d'une palette qui est montée au volant et non pas sur au milieu de votre voiture. Et c'est fait sur la colonne de direction directement. Donc, ça permet au pilote de garder les mains sur le volant en tout temps. Et ça, c'est vraiment arrivé par la Formule 1. Ça se voit de plus en plus dans différents types de véhicules. Ça se voit aussi dans certaines Porsche, si je me souviens bien. Mais c'est vraiment quelque chose qui est arrivé par la Formule 1 parce que, comme on le dit, ça laisse le pilote à garder les mains sur le volant, les yeux sur la route, et on n'a plus vraiment besoin de s'attarder à ce qui est au milieu de la console dans le véhicule. Donc, c'est vraiment, merci Formule 1, merci. Il y a aussi l'utilisation de la fibre de carbone dans plusieurs véhicules qui est arrivée par l'ère de la Formule 1. Il y a les freins en carbone en céramique. Donc, en lien avec le poids et les performances, bien les freins carbone céramique sont en mesure de résister à des hautes températures. Ce qui permet aux pilotes de Formule 1 de pousser vraiment leur bolide à la plus grande puissance qu'ils peuvent leur donner. Et ça pèse une fraction du poids de leur équivalent en acier. Donc, bien évidemment, on le sait, en course automobile et surtout en Formule 1, le poids est très, très important. On essaie de peser le moins, mais d'être le plus rapide possible. Donc, de ce côté-là, pour l'instant, ils sont simplement offerts sur des voitures exotiques ou vraiment hyper sportives, comme une Lamborghini et comme une Ferrari, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça devrait voir le jour dans certains véhicules routiers que madame et monsieur tout le monde conduisent, comme je disais, pour aller reconduire les enfants à la garderie le lundi matin. C'est vraiment des choses que l'on devrait voir une évolution dans le monde du véhicule et dans le monde de l'automobile pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. Du côté de Flag World, eh bien, sachez qu'il va y avoir une couverture quand même assez complète du 24 heures du Mans cette fin de semaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, déjà, en partant, on parle des Canadiens aux 24 heures du Mans. Il y a seulement deux pilotes canadiens qui vont prendre le départ en France cette fin de semaine. Il y a aussi les photos du week-end de la Formule 1, comme je vous disais tout à l'heure. Faites un tour, vraiment, faites un petit peu comme moi, faites le tour du web en même temps que moi. Cette fin de semaine, eh bien, on en a discuté avec Olivier Bédard. Il va y avoir de la Nissan Micra du côté de Saint-Eustache. Là, j'essaie de retrouver mes feuilles de façon très, très rapide. Durant la fin de semaine, il va aussi y avoir la série NASCAR Pinties qui va être du côté de Sunset en Ontario. Je pense qu'on parle d'une... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5... On parle d'une quinzaine à 16 voitures pour du côté de Sunset cette fin de semaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût de ce qui va se passer sur Internet ou encore l'application magnifique qui est Live Timing. C'est là-dessus que vous pouvez vraiment suivre tous les événements de course automobile qui se passent dans le monde entier quasiment, parce que Live Timing, c'est le système qui est utilisé par quasi toutes les séries pour leur chrono. Donc, si jamais vous voulez voir les temps ou quoi que ce soit, bien, c'est vraiment là-dessus que ça va se passer. Il y a aussi le 24 heures du Mans, comme je le disais tout à l'heure. Il va y avoir du karting de l'association APKLQ à Québec, du côté de Château-Richer, une piste que j'adore. J'aurai le plaisir d'animer la course dimanche. Donc, si jamais ça vous tente, si jamais vous vous dites « Ah, je sais pas quoi faire dimanche, il fait beau, mais j'ai l'impression que j'aimerais ça faire une heure et demie de route », eh bien, rendez-vous du côté du karting Château-Richer, parce que vraiment, c'est une très belle piste. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une série qui amène de nouveaux pilotes, donc vous devriez voir quand même de très bonnes courses si jamais ça vous intéresse. Et nous, c'est déjà la fin de l'émission. Restez en onde, parce que après la pièce musicale que je vais vous présenter, ça va être le Mathieu Plante Show. Et un petit peu plus tard en soirée, eh bien, vous le savez très bien, on est mercredi. Hier, on était mardi. Oui, exactement. On est les mercredis baseball. En fait, on est tous les jours du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Alors, restez en onde ce soir si jamais ça vous intéresse d'écouter le baseball. C'est Cuba qui est débarqué en ville depuis hier. Malheureusement, hier, les Aigles ont perdu, mais peut-être que ce soir, tout ça changera face à Cuba. Alors, restez en onde. Et nous, eh bien, on va tout simplement se laisser avec une pièce que j'aimerais dédier à un pilote qui a eu un accident. On en a discuté la semaine dernière. C'est Andrew Palmer, un pilote de karting qui est maintenant rendu à courser dans plusieurs séries. On n'a toujours pas de nouvelles d'Andrew Palmer, à savoir comment est-ce que ça va du côté médical et tout ça. On sait que Andrew est dans le coma présentement. On espère sérieusement que Andrew va s'en sortir sain et sauf. Alors, je vais tout simplement lui dédier la pièce Holy, et par la suite, comme je vous le disais, eh bien, ce sera le Mathieu Plante Show. Merci. À la semaine prochaine. When the sun had left and the winter came and the sky fall to only bring the rain, I sat in darkness, all brokenhearted. I couldn't find a day, I didn't feel alone. I never meant to cry, started losing hope. But somehow, baby, you broke through and saved me. You're an angel, tell me you're never leaving. Cause you're the first thing I know I can believe. Nights, you're the riverbank where I was baptized, cleansed from the demons that were killing my freedom. Let me lay it down, give me to ya, get you singing, babe. Hallelujah. We'll be touching heaven. You're an angel, tell me you're never leaving. Cause you're the first thing I know. Can't believe. Saving grace, you're my kind of church, you're holy.